avec mes négros du projet. À boucher le troubillon qui squatte le rap français. J'ai trop mal aux oreilles quand j'entends ce qui se fait. Quand je pense à ce que tu payais à l'oseille que je me ferais. Le hip hop on le réinvente, on va pas se contenter d'Asie. Quand on voit niveau tes ventes, on a trop mal à la musique. On a trop tracé de cicatrices, une pour chaque vente de tes putains de disques. Une pour chaque clip sur MCM, une pour chaque vie dans ton rap. Ton game, game. It's like a cross crossing on my head. The way you feel, it's like a crown cracking on my head. You're gonna wake up and say, I don't know where I am. The pain I feel, it's like a cross crossing on my head. The way you feel, it's like a crown cracking on my head. The beat is keeping me in a strange way. Where is my brain? Where is my brain? Where is my brain? Where is my brain? Radio version of the song. Hey man, we gotta do a radio version of the song. Ma musique, j'ouvre une fenêtre sur ma vie. Crache un molar sur ma vie. Manage mes ordres en désir. Notre musique, colle des pains, des masques qu'on t'a mis. Les radios passent leur vieille croûte. Moi j'suis dans comme l'ami. C'est du ski, là devient du statique. Si la place est libre, j'write mon 16 life. Puis j'reviens dans une minute et demie. J'rime à rien, j'chante pas bien. Et j'ai du Waller crédit. Qui c'est qu'arrive, c'est direct, dit qu'il pose sur chromie. Ma musique, une saloperie de drogue, infect. Genre d'adrénaline liquide qui s'injecte dans les oreilles, surprenant comme le buzzer du réveil. Qu'un mec, un million secret pendant que t'étais bourré la veille. Ma musique est une équation mathématique où l'inconnu est la somme des gonces de ma clique. Le projet cherche pas de résultat sur ta casiographie. Il n'est pas défini, mais tend vers plus l'infini. The pain I feel, it's like a cross crossing on my head. The way you feel, it's like a crown cracking on my head. You're gonna wake up and say, I don't know where I am. The pain I feel, it's like a cross crossing on my head. The way you feel, it's like a crown cracking on my head. The beat is keeping me in strange. Where is my brain? Where is my brain? Where is my brain? Where is my brain? Where is my brain? Ma musique et ma voix, un monstre statique aux larmes citoyens. Mes armes devant rien, des coups de l'homme des mondains. Je suis la lame devant rien, flot coco, le MC, les grands chemins. Les contents plus, les ondes sonores, c'est dégoûtant, les sonores. Nos faces multicolores, si seulement t'avais su que l'universel était inodore. Alors en attendant, file-moi de la merde à gober. Comme je fais quand je vais la gerber, cette phrase est insensée. Je m'embrasse à ma saucée, écoute mal parlant des mots. Produit des mots en haut du monde, pas bien des sapiens aux mots. Et de leur glory les mots, vampires, les mots d'un démon du mot. Trop, qui font la moto et te rend la pilule en deux sang, la descente, du niveau de la docile mélodie, semblant presque à du hip-hop. Pour ma musique réciproque, je me sens bien dans mon époque. J'ai chécra dans ton yop, car je sais qu'on flotte les gueules du dor. Quand je dis gagnon, ça ressemble presque à du hip hop. Pour ma musique réciproque, je me sens bien dans mon époque. J'ai chécra dans ton yop, car je sais qu'on flotte les gueules du dor. Quand je dis gagnon, ça vient si loin d'espérer s'exposer sans s'éloigner au-delà. David le doc, c'est ton bonne existence et ton point mien. Sirotant une suspecte chansonnette façonnée en seulement 6 ans.